dû les annuler. J'suis pas encore prêt à mettre l'or sur l'annulaire. J'sais pas si j'peux vraiment aimer dans la durée. Me concentrer sur une femme et puis l'aduler. Ce soir on fait l'amour, après on fait la guerre. Parfois je fais les deux en même temps quand j'accélère. Des bisous à la haine, mon cerveau à la traîne. Tout s'embrouillait sans mêle, on s'en valait pas la peine. J'étais seul tout dans les problèmes, j'avais pas les pensées de Kobe. Le serment en ville, je le promets, dans mon cœur qu'il sommeille. Désolé de te demander si tu me tomis le vice, c'est tentant et je le sais. J'ai zoné les filles, je les connais, et j'ai mieux à faire que les coller. Je ne retomberai jamais dans le piège. Je crois que j'ai enfin pu tourner la page. Je ne retomberai jamais dans le piège. J'ai enfermé mes sentiments dans un coin sombre au fond d'une cage. Je ne retomberai jamais dans le piège. Je crois que j'ai enfin pu tourner la page. Je ne retomberai jamais dans le piège. J'ai enfermé mes sentiments dans un coin sombre. Car quand t'es versé, tu me tournes le dos. Tes larmes sont versées, vont perler dans mes peaux. J'suis dans les excès, donc je trouve plus les mots. Oui, je le sais que c'est fini, l'amour est mort. Car quand t'es vexé, tu me tournes le dos. Tes larmes sont versées, vont perler dans mes peaux. J'suis dans les excès, donc je ne trouve plus les mots. Oui, je le sais que c'est fini, l'amour est mort. C'est toi qui m'as perdu, t'as pas compris que je voulais faire du Zeyo sans bibi la verdure. Devenir adulte, c'est hyper dur. Rentrer le soir à la tête. Personne qui pourra nous tester. Tes yeux et ta peau de pêche, jamais je pourrais les détester. Éternellement incompris. Si tu me suis pas, tant pis. À toi je serai attentif. Mais l'amour ne m'a pas attendri. Tu dis que je suis pas gentil. Mais toi tu ne l'étais pas non plus. Désolé, je ne sais pas mentir. Avec toi je conjugue la haine au pluriel. Je ne retomberai jamais dans le piège. Je crois que j'ai enfin pu tourner la page. Je ne retomberai jamais dans le piège. J'ai enfermé mes sentiments dans un coin sombre au fond d'une cage. Je ne retomberai jamais dans le piège. Je crois que j'ai enfin pu tourner la page. Je ne retomberai jamais dans le piège. J'ai enfermé mes sentiments dans un coin sombre. Car quand t'es versé, tu me tournes le dos. Tes larmes sont versées, vont perler dans mes paumes. J'suis dans les excès, donc je trouve plus les mots. Oui, je le sais que c'est fini, l'amour est...